Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Aujourd'hui, nous faisons un petit hors-série en parlant de deux films. Donc nous allons parler du film Fanboys, mais pour l'instant, nous allons être sympas, nous allons rembobiner. Nos films, c'est autre chose que des simples remakes. C'est devenu comme ça dans notre cité ! Notre version est meilleure. Notre version ne dure que 20 minutes. On est des célébrités maintenant. Tout le monde nous reconnaît dans la rue. Aujourd'hui, nous faisons un petit hors-série en parlant de deux films. Donc nous allons parler du film Fanboys, mais pour l'instant, nous allons être sympas, nous allons rembobiner. Donc c'est le premier film réalisé par Michel Gondry en 2009. Non, c'était 2008 plutôt. Mais c'est quoi l'histoire ? On retrouve donc deux gérants de vidéo, hein, c'est ça ? Plutôt un seul gérant de vidéoclub. Mm-hmm. Et avec un acolyte qui l'aide dans la gestion de son vidéoclub, mais c'est plus un gamin qui l'a recueilli ou quelque chose comme ça. Et puis ce gamin, il a un copain qui fait que des conneries et qui est pour la théorie du complot et puis des trucs comme ça, quoi. Donc une personnalité stable, le gérant du vidéoclub qui essaye tant gain de balle de survivre face à l'évolution technologique de 2009 et l'apparition du DVD. Le gamin qui a été recueilli, qui a été, je pense, élevé par le gérant. Et puis l'autre qui fait que des conneries, quoi. Donc t'as le gérant, c'est incarné par Danny Glover, c'est ça ? Et puis une espèce de neveu, c'est Mos Def, je pense, c'est un rappeur. Et il y a aussi Jack Black, enfin, tu connais pas Jack Black ? Ah, Jack Black, je connais, ouais. Je l'ai vu dans Gulliver ou des trucs comme ça. C'est ça. Donc ils sont à trois, et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'accident un peu magnétique, si je me souviens bien. Ça efface tous les vidéos qu'ils ont dans leur location. C'est exactement ça, il veut aller détruire un relais électrique. Mmh. Et puis, ça merde, et puis il se fait magnétiser, donc... C'est ça. Et puis, il arrive dans le vidéoclub, et puis il efface tous les cassettes en les touchant, et puis il démagnétise tout. À la suite de ça, il propose donc à son pote de refaire tous les films, mais en version un peu cheap, quoi. Parce qu'il y a une cliente qui est là pour les surveiller, parce que le gérant est parti voir un petit peu pourquoi son commerce marchait pas, essayer de s'adapter, et puis il a demandé à une dame de les gérer plus ou moins, de regarder s'ils font pas trop de conneries, et puis elle demande une cassette à prêter. Et comme c'est une cassette qu'elle a jamais vue, et que de toute façon ils savent qu'elle regarde pas trop, ils se sont dit « Putain, on l'a pu, t'as tout effacé, on va la retourner vite fait, et puis aller virer du feu, quoi. » C'est ça. Et puis le principe part de là, donc il crée des vidéos SUED. SUED comme le terme, c'est un terme qui est rentré dans le langage populaire maintenant. C'est-à-dire que c'est un peu le précurseur, je dirais, du fan-film. C'est de reproduire pas l'identique à peu près, ou avec des moyens moins conséquents, un film comme, dans ce film-là, t'as un défilé de films comme Ghostbusters, Robocop, je crois qu'il y a même Star Wars à un moment, non ? Star Wars, je suis pas sûr, mais il y a même des films pas forcément de science-fiction, comme Miss Daisy et Chancefeur, ou des choses comme ça, donc il y a vraiment un défilé de films. Robocop, il arrive un moment, t'arrives plus à suivre parce qu'ils en font 5-6 en même temps. Ils tournent tellement avec des moyens cheap, mais c'est vraiment dans la parodie, quoi, des défauts. Ouais, et puis curieusement, les gens veulent des films suédois, et puis voilà, il y a une ribambelle de clients qui arrivent et qui veulent des films faits maison, quoi. C'est ça, c'est le bricolage, c'est vraiment l'hommage aux fans qui fabriquent les films, qui font les films, parce qu'au départ, il faut voir que maintenant, on a les moyens techniques pour faire des beaux films, on se fabrique des costumes, certains cosplays sont même impressionnants, il y a aussi les effets spéciaux pour YouTube, enfin, vous connaissez l'environnement des fan-films, il y a des fans du film de Star Wars qui valent presque les séries, quoi, quasiment. On va même rebondir. Fabien doit pas connaître, mais t'as une web série qui s'appelle Flanders Company qui avait déjà commencé à tourner, je pense, il y a 8 ans. Les effets spéciaux étaient bricolés un peu à ça. Et maintenant, la Flanders Company ressort une nouvelle saison et les effets spéciaux sont dignes d'un téléfilm. Pas quand même d'un cinéma, mais d'un téléfilm. Oui. Donc maintenant, on a une débauche de moyens colossales pour faire un fan-film. Et dans ce film-là, on nous montre une débauche de débrouillardise pour faire quelque chose qui va ressembler grosso modo, un film. Ouais, c'est ça, c'est l'esprit, et c'est pour ça que moi j'ai bien aimé ce film, que j'ai un petit peu conseillé à Teddy, c'est parce que il y a tellement une espèce de mélancolie, de nostalgie envers cet âge un peu de, pas d'or, mais de précurseur, quoi, au fan-film, que moi ça m'a un peu touché de revoir ça, et de voir ces gens qui essaient de produire quelque chose malgré leur... parce que quand t'as le Robocop tout cheap avec de l'aluminium, tu rigoles, quoi, forcément. Oui, et puis qui fait des tirs avec des pétards dans les bras ou des trucs comme ça, c'est bien. Oui. Ou alors quand ils se font exploser et puis ils déversent des détritus sur les personnes pour faire le sang et les boyaux qui... Enfin, c'était quand même bien fait. C'est des idées oui. bah, qu'on a déjà vues dans quelques fan films à l'époque. Hein, donc ça m'a fait penser, moi, à Hokuto no Ken. Ça fait un peu fan film. Là, il n'y a pas de moyens, mais il n'y a pas non plus de scénario et puis il n'y a pas non plus la volonté de rendre hommage au personnage, quoi, du tout. Là, on est complètement dans la gaudriole, quoi, complètement. Ah ouais, là, ils se prennent pas... Enfin, si, ils font... Ce qu'ils font, ils se prennent au sérieux. Ils font au sérieux, ouais. Mais je veux dire, les moyens qu'ils ont, ils vont pas les chercher au-delà de ce qu'ils peuvent produire. Donc, comme son copain bah, vit dans une casse, bah, ils font tout avec des trucs de récup. Ouais, ouais, puis bon. Puis si ça fait illusion, tant mieux. Si ça fait pas illusion, bah tant pis, hein. C'est toujours le même problème. Non, moi, dans l'ensemble, j'ai beaucoup. Ce film est assez plaisant. Moi, les acteurs, moi, je les trouve géniaux, hein. Même Danny Glover là-dedans, il fait le vieux pépé, hein, quelque part. Bon, c'est pas le Danny Glover bondissant de Predator 2, mais. Puis Jack Black est un peu moins agaçant. Dans ce ouais, film que dans ces autres films. Il fait beaucoup de grimaces, hein, quand même. Il fait beaucoup de grimaces, mais tu vois, quand tu le vois à la fin, il commence quand même à être attachant. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous ces films. Ouais, c'est ça. T'as vraiment des personnages que tu peux t'attacher, comme tu le disais. Il y a un trio qui est beau. Puis je pense que ça se termine un peu de manière un peu triste, mais finalement, bah, il triomphe un peu de. Parce qu'apparemment, ils doivent se faire expulser à la fin, si je me souviens bien. Bah, en fait, le quartier doit être rénové. Donc, il lui propose de le reloger dans un nouveau quartier. Mmh. D'ouvrir son vidéoclub dans un nouveau quartier. Mais lui, il est attaché à ses racines. C'est ça. Et il veut pas partir. La mort dans l'âme, il se décide à partir en résignation. Et puis bah, en fait, ils lui font une dernière soirée. Soirée de films suédois. Mais cette fois-ci, avec un film libre de droit. Donc, qui rapporte un beau succès. De la part de Gondry, moi, je suis pas étonné. Parce que Gondry, il écrit un peu des... Pas des trucs loufoques, mais des trucs qui sortent un peu de la normalité, quoi. Alors moi, des films de Gondry, j'en connais pas beaucoup. T'as pas vu Le Frelon Vert ? Donc Le Frelon Vert, c'est un Gondry, mais le problème, c'est qu'il a pas eu toute la direction artistique dans Le Frelon Vert. C'est pas mauvais, c'est mauvais. Par contre, si vous voulez voir du bon Gondry, je peux vous conseiller des clips de Björk, genre Human Behavior, Declare Independence, Army of Me. Tous les trucs qui ont été tournés par Gondry et Björk sont psychédéliques et il y a toujours un univers sain et malsain qui est mélangé dans le même dans le même global, quoi. Alors moi, j'ai entendu parler d'un film qui s'appelle Eternal... Eternal Sunshine Spotless Mind. Oui, c'est ça. Il paraît que c'est un grand film romantique avec justement Jim Carrey complètement aux antipodes de ses rôles habituels et Kate Winslet. Très bonne presse, très bonne critique. Et il paraît que c'est un film magnifique. Alors, donc, je vous conseille quand même de le voir. Voilà quoi pour... on a fait le tour. L'histoire d'Eternal Sunshine est très dure à suivre et très dur à s'accrocher. Tu l'as regardé ? Mais non, j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. J'ai eu quelques inconvénients d'ordinateur. Ouais. Mais il faudra vraiment que je m'y remette parce que c'est l'un des rares Gondry que j'ai raté en fait. Par contre, Le Frelon Vert, moi je le déconseille parce que c'est un AV. Bah, le problème, c'est que Gondry, là, il était pas réalisateur totalement. Il a eu le droit de mettre juste sa touche. Et honnêtement, on la voit pas dedans. Hein. Je dis la touche de Gondry, on la voit pas dans Le Frelon Vert. Non, c'est vraiment le blockbuster bête et tout. C'est dominé par Seth Rogen qui fait un peu le nombriliste d'ailleurs. C'est ridicule, quoi. Voilà, normalement, les films de Gondry sont toujours attachants. On se sent toujours ému à un moment dans le film, que ce soit à la fin ou... Et là, dans Le Frelon Vert, on s'en fout des personnages, c'est pas attachant. Ouais, voilà. Alors que même dans un clip de Björk, comme, Bachelorette, par exemple, là, on est même un peu bousculé par le clip et il a une manière de voir les choses qui sont quand même bien. Et dans Soyez sympa, rembobiné, toi, les mises en abîme et tout que Gondry aime bien faire, on en voit quelques-unes et elles sont vraiment bien faites. Ouais, c'est ça. Et il y a une certaine génie dans la façon de traiter l'image chez Gondry qu'on retrouve dans Soyez sympa rembobiné. D'accord. On t'explique le film, mais tu m'as pas dit si t'avais bien aimé ce film finalement. Bah, le film était. Bah, le problème, c'est que c'est un Gondry. Ouais. Donc forcément, j'ai bien aimé. Dans sa manière d'être tourné, moi j'ai toujours un problème avec Monsieur Black. Hein. Je trouve qu'il en fait toujours des caisses. Donc dès qu'il y a un film avec lui, j'ai un peu de mal à accrocher. Mais sinon, ce film, j'ai bien aimé parce que c'est pour quand il retourne les scènes, j'en ai rien à faire. Pour être honnête, j'en ai rien à faire. C'est l'histoire qui est autour, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Parce que le fait quand ils refont Ghostbusters, c'est pas spécialement marrant. Tout ce qu'il y a autour, partir d'un prétexte con, hein, c'est-à-dire on efface des bandes, on refait des films. Et après, l'histoire qu'il y a autour, c'est-à-dire que on part d'un bon sentiment et ça nous dépasse. Les choses nous dépassent. C'est ça. On est embarqué dans notre truc. Et puis à la fin où on a fait notre passion jusqu'au bout, ça a plu à tout le monde. Maintenant, c'est fini, on arrête, on passe à autre chose. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans les films de Gondry. Une fin amère. Une fin douce amère. Oui. C'est-à-dire que la fin, t'es content de l'avoir, ils sont accomplis, ils ont réussi à s'accomplir, mais ça changera pas leur vie, tu vois. Ils sont accomplis, on passe à autre chose. D'accord. Bah, nous aussi, on va passer à autre chose. Hein. Et là, on va pas être d'accord parce que on a un gros désaccord parce que on va passer au film Fanboys qui est sorti en 2008, donc réalisé par Kyle Newman. Avec La princesse Leia, Lando Calrissian, Dark Maul, Shooter McGavin, le type du hangar dans The Office, le type de Tonnerre sous les tropiques, Jay, le type de Die Hard 4, la meuf canon de Sin City, et le capitaine James T. Kirk. Le casting, je le cite pas trop, mais on citerait surtout les caméos parce que les acteurs, les jeunes acteurs, ils sont pas très connus. Ils n'ont pas fait grand chose. Ouais, là aussi, il y a un problème de charisme que là, je n'irai pas. Bah, l'histoire, tout simplement, c'est quatre potes qui s'en vont en direction le Skywalker Ranch parce que l'un d'entre eux va décéder certainement d'un cancer. Et ils veulent qu'ils puissent visionner l'épisode 1 avant tout le monde. Donc Star Wars, la menace fantôme, épisode 1. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des fans de Star Wars. Hein. Ouais, c'est des gros fans de Star Wars. Vraiment le fan jusqu'au bout des doigts, on va dire. Ouais, parce fan hardcore, hein, ouais. Genre Fabien. Non, j'ai pas un van avec des lumières rouges et des trucs qui font Chewbacca ou quand il démarre le moteur, il y a le bruit du faucon qui se met en route. Ouais, ou il doit taper au plafond pour que ça démarre aussi. C'est le gros clin d'œil. Mais bon, ce film est blindé de références. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié. C'est un film que je trouve assez nostalgique, mélancolique, un peu triste même vers la fin parce que quand même, je suis le déroulement avant de raconter ce qui arrive à la fin. Donc, il y a plein de péripéties, puis on rencontre plein. Il y a des caméos, mais à l'appel dans ce film. On citera ceux de Carrie Fisher, par exemple, où il y a la fameuse reprise de la réplique « Je t'aime, je sais » de l'Empire Contre-Attaque. Et il y a Billy Dee Williams qui fait le juge Reynolds. Bah, notre ami Danny Trejo, alias Machete. Ouais, il y a aussi William Shatner. Ah oui, William Shatner. Il joue William Shatner. Ouais, il s'auto parodie dans ce film-là. Il y a Ray Park aussi, celui qui fait Dark Maul. Mais bon, là, on peut pas le reconnaître parce qu'il n'y a pas son maquillage. D'ailleurs, tous les gardes, ils sont habillés comme les personnages de THX-138 avec cet uniforme noir et le masque un peu argenté. Ça, c'est une référence à Lucas, une fois de plus. Et puis, il y a aussi une référence à Harrison Ford qui m'a tué. C'est quand il passe devant une affiche de 6 jours 7 nuits et il dit Harrison Ford n'a jamais fait de mauvais film. Bah, je suis désolé, mais 6 jours 7 nuits, c'est un gros navet pour moi. Mais bon, je voulais dire aussi, c'est que on retrouve aussi Kevin Smith, qui est très connu aussi. C'est Silent Bob, Kevin Smith. Tu vois qui? Ouais, il y a Jay aussi, hein, avec les cheveux. J'ai pas reconnu par contre. Bah, ici, ils sortent des toilettes après avoir sucé une bite. Ah oui, l'histoire des trucs gays. Bah, c'est Jay et Bob. Hein, d'accord, ils étaient à deux, donc. C'est une scène qui était dans Clerks, donc ou Clerks 2, un des deux. Donc c'est repris pour toi. Bon, il y a cette guerre entre les Trekkies, les Warzy et les Trekkies que j'ai trouvé un peu naze quand ils cassent la statue et tout. Hormis ça, moi je trouve que le déroulement c'est pas trop mal, c'est sympa, surtout quand ils sont dans le manoir ranch avec tous les produits dérivés qui sont. Il y a une bataille de produits dérivés à un moment qui est assez comique. Je casse le Yoda, non, je vais casser le casque du Stormtrooper. Tu vois, ça fait vraiment les mecs qui sont dans une boutique de jouets quoi. Moi ça me parlait parce que moi je suis un grand fan de Star Wars, pas du 8 éventuellement, j'aurais compris. Toi t'es plutôt négatif, alors vas-y explique, argumente un petit peu là. Moi j'ai pas trouvé de matière, hein, à part faire coucou les fans, j'ai pas compris le but du film. L'histoire, pour être chronologique, le mec va mourir du cancer. Au début je crois que c'était un gros fake, hein, c'est-à-dire qu'il disait ça pour l'embarquer dans le trip, etc. Donc après ils traversent tous les états, ils font juste un pied de nez en faisant un détour aux Trekkies pour aller péter une statue. Enfin ils font pas exprès de péter la statue, mais ils sont là pour se foutre de la gueule des Trekkies. Puis après des péripéties, ils rencontrent des gens dont on a rien à foutre. Moi j'en ai rien à foutre que le mec c'est le plus grand fan de Star Wars, là, le roux, hein, j'en ai pas grand chose à faire, je le connais pas. C'était con. Voilà, et puis à part parler de bites et de monotesticules, j'ai pas trouvé trop d'intérêt dans ce film, donc moi je suis pas ultra fan de Star Wars, j'aime bien les licences, mais j'irai pas jusqu'à acheter les produits dérivés. Et après l'inconvénient c'est que par contre ils se foutent bien de la gueule des Trekkies, et le problème c'est que j'ai pas aimé parce que moi par contre les produits dérivés des Trekkies je veux bien les acheter. Non mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un manque de subtilité, mais les Warzy ils sont pas mieux traités non plus dans ce film, hein, parce que les quatre là c'est quand même des abrutis, hein, dans le fond. Bah en fait voilà, c'est un film je dirais à l'américaine, surtout celui qui est barbu là, excuse-moi de te couper. Ouais, je dirais que c'est un film à l'American Pie mais sans histoire derrière. C'est-à-dire que le but de l'histoire c'est juste de parler de tout Star Wars quoi, et regardez, il y a le Faucon Millennium, regardez, il y a R2. Ouais, ça va, hein, moi c'est pour revoir Ready Player One ou un truc dans le genre. Justement, tu fais bien de parler de Ready Player One parce que quand tu regardes la fiche technique, il se trouve que le scénariste, c'est l'auteur de Ready Player One. Donc tu peux pas être étonné qu'il y ait autant de références et autant de trucs balancés. Enfin, moi je trouve que j'ai quand même plus de subtilité dans ce film-là que dans Ready Player One, c'est-à-dire que microcosme de fans. Voilà. Dans fanboy, on nous balance pas des personnages pour le plaisir de nous balancer des personnages. C'est-à-dire que je sais pas, moi s'il y avait un Gremlins, on va juste pas mettre un Gremlins à l'écran une seconde pour dire ça y est, on a eu les Gremlins. À part que. Non, les personnages sont annoncés et ont une histoire, même si l'histoire est à la con, ils ont quand même une histoire. Ça, c'est quand même mieux amené dans Fanboy que dans Ready Player One. Je sais pas si tu te souviens de la séquence d'hallucination avec les Wox qui est en route, où il y a le Batman, où quand il traverse un poster, à un moment, c'est découpé sous la forme de Vador, donc ça fait qu'il y a les deux phares, ils symbolisent les yeux. J'ai trouvé que c'était pas trop mal, quoi. Ouais, mais encore une fois, voilà, si t'es pas trop au courant de l'univers Star Wars, bah le film-là, tu passes carrément au-dessus, hein, parce qu'il n'a aucun intérêt si t'es pas trop fan de l'univers Star Wars. Mais après, c'est un film qui sert juste à montrer des caméos, hein. Moi je vois pas à quoi d'autre sert ce film. À part le voyage initiatique, c'est le seul point positif de ce film, c'est que... Ben, est-ce qu'il faut abandonner tes rêves d'enfant pour faire une vie normale, ou est-ce qu'il faut t'accrocher à tes rêves pour essayer de persévérer dans ce que tu veux être et pas dans ce que tu veux que les autres soient? C'est-à-dire que là, le mec, je sais pas si c'est le héros, tu sais, qui est vendeur d'auto, parce que son père... C'est le personnage qui est le plus développé des quatre. Hein. Voilà, son père l'a pris sous son aile et dit, bah toi, tu vas vendre des bagnoles. Ouais. Alors, son rêve, c'était de faire des BD. Donc, tu vois, il est tiraillé entre est-ce que je dois vivre mon rêve ou est-ce que je dois ancrer mes pieds dans la réalité. C'est ça, est-ce qu'il va s'emmerder, quoi. Voilà. Thème-là était bien. Il n'y avait pas de quoi faire deux heures de film avec ce thème-là. Mais... Non, mais bon, il aurait fallu brosser un peu moins de caricatures autour, quoi. Après, voilà, les caricatures, ça y est. Hein. Les caricatures sur les Trekkies, bon, il y en a qui sont vraies quand même, faut dire ce qu'il faut. Après, voilà, les caricatures sur le barguet, les caricatures sur. L'Indien qui vend de la drogue, le Mexicain plutôt, on va dire, parce que c'est Machete. Ouais, voilà. C'est Danny Trejo, quoi, on l'aime bien, quoi. Puis, voilà, la caricature du mec qui se prend pour un flic, qui se fait juste de la surveillance. Tout le reste, après, ça reste dans la caricature, et puis avec des personnages pas du tout charismatiques. Si on prend la comparaison avec American Pie, en sachant que c'est pas la même histoire du tout. C'est pas pareil, moi, American Pie, Sean William Scott, par exemple, est charismatique. On peut tout dire, mais voilà, Sean William Scott, donc c'est Steve Stifler, hein, pour ceux qui se replacent pas. Lui est charismatique. Dans ce film-là, les seuls personnages charismatiques font des caméos d'une minute. Mais tu compares souvent ce film à American Pie, moi, je suis désolé, c'est pas pareil. Hein. Il y a quelques bacs potaches sur le cul, je suis d'accord. On n'a jamais cette espèce de style trash avec l'histoire, le verre qui rempli je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ou alors à poil en train de faire un striptease. Ouais, mais bon. non, mais c'est pas le même. Dans American Pie, c'est blague de cul sur blague de cul, c'est sans arrêt. Là, y a quand même un équilibre dans les blagues, moi je trouve, dans Fanboys. Non, dans American Pie, j'ai trouvé que les blagues étaient bien amenées. Elles n'attendraient pas comme un cheveu sur la soupe. Attention que dans le 1, dans le 2, le 3, vous pouvez l'oublier. Par contre, dans Fanboys, moi je trouve que les blagues elles arrivent. Ah, c'est parce que ça te parle pas, c'est tout. Eh ben, je crois encore une fois que je suis pas le public visé, en fait. Et puis t'as pas aimé la caricature des Trekkies, c'est tout. Aussi, c'est vrai qu'il arrive un moment. Ça t'a un peu fait mal, quoi, quelque part. Non, ça m'a pas fait mal, parce que je peux pas te dire où était Necker, que moi j'en avais aucune idée. Ouais, c'était l'Iowa d'ailleurs, mais bon. Enfin, je veux dire, ils défoncent les Trekkies, mais en même temps, ils défoncent les Warzy aussi, hein, parce que. Ouais, parce qu'ils sont pas très intelligents non plus, les mecs. Hein, non, puis quand on voit comment ils sont représentés, waouh, la vache, quoi. Ah ouais. Les Warzy, ils sont déguisés en Vador ou en. Stormtrooper. Ouais, pour moi, c'est un film sans matière. C'est-à-dire, je vais me dire la même critique que Ready Player One. Mm-hmm. Hein. On va vous mettre des caméos un peu partout, on va faire coucou les fans, et puis bah les fans ils iront le voir. Hein. Bah pour moi, il y a un niveau au-dessus quand même de plus de subtilité. Peut-être. Ah oui, là en subtilité, oui, un niveau au-dessus. Hein. Ah non, parce que Ready Player One, c'est vraiment le truc on te plaque sur la tronche. Et oui, puis sans. C'est vraiment d'une vulgarité, même des fois. Puis sans backup, hein. Ouais. Tiens, voilà ça. Ouais. Tu l'as vu, ça faisait 3,2 millièmes de seconde. Bah non, on l'a pas vu. Maintenant, c'est vrai que il est référent de Star Wars. C'est blindé dans le film 1, dans Fanboys. En même temps, le film s'appelle Fanboys, et il va y avoir l'épisode 1. Ouais. Oui, c'est forcément avoir des trucs sur Star Wars. Il y a des personnages qui m'énervent, notamment, je vais dire, l'espèce de barbu, là, avec son van. Il m'a agacé au plus bon point. Les deux autres, bon, ça allait un peu plus. Il y avait le dessinateur qui était sympa. On va parler aussi de la fin, parce que bah, finalement, ça se termine mal pour l'un d'eux. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils arrivent en salle, et puis la réplique qui m'a tué, quoi. Moi, j'ai rigolé à plein nez. Et si c'était nul? Bah ouais, mais c'est prémonitoire quelque part, quoi. Puis après, comme dirait Will Wheaton, que le film soit bien ou nul, de toute façon, ça changera pas notre vie. C'est clair. Voilà. Donc, Will Wheaton, c'est celui qui joue dans The Crusher. Big Bang Crusher. C'est Wesley Crusher. Il joue dans The Big Bang Theory. Star Trek Next Generation, c'est ça? Ouais, dans The Big Bang Theory, il fait un pied de néo-Warzy en D'accord. arrivant en Trekkies. au film Star Wars 7, et puis il dit clairement que on s'en fout qu'un film soit bon, mais qu'il c'est pas soit un peu nul, pareil quand fout, tu notre vie continuera. Tu parlais de Big Bang Theory justement, mais c'est pas un peu le même genre, c'est tout des fans des références à tous les épisodes. Ouais, mais si t'as aucune référence de Big Bang Theory, tu peux quand même regarder la série. C'est-à-dire que les personnages vont t'attacher. Si tu t'y connais pas en, bah, je sais pas, moi, en technologie des cordes, enfin, en théorie des cordes ou en technologie biomoléculaire, t'arrives quand même à suivre la série. Si t'as jamais vu un film Marvel, un film DC ou quelque chose comme ça, bah, déjà, sors de ta grotte, mais t'arriveras quand même à regarder The Big Bang Theory. Ouais, Big Bang Theory, moi, on m'a dit que c'était quand même une série un peu de fanboys, hein, quelque part. Mais... Bah, c'est une série de geeks, hein, clairement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais de l'un à la 5, voire 6, ouais, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est redondant, hein, ça n'a plus aucun intérêt. Non, bah on n'est pas d'accord sur ce film. Moi, je trouve qu'il est sympa, qu'on n'a pas fait mieux au niveau référentiel, enfin, de comédie un peu référentielle depuis ce film-là. Moi, je trouve que American Pie, c'est marrant, mais on est quand même beaucoup dans le potache. Là, c'est un peu moins porté sur le cul, on va dire, dans le film. Encore une fois, moi, je regarderais plus encore un American Pie, parce qu'à l'époque, j'étais clairement la cible visée. Hein, ouais, dire, c'est ça. C'était pile dans ma tranche. Donc, par contre, Fanboys, non, pour moi, c'était pas une purge quand même. Tout, ça m'a pas parlé, ouais. Mais c'était pas une purge. C'est comme le film Paul, là, c'était une purge. T'as pas aimé Paul ? Bah, Paul, putain, ça faisait référence à Coup de Paix. Bah, hein. Voilà, encore un film où il y a des, la référence, où il y a des mecs qui vont au Comic-Con et ils rencontrent l'extraterrestre, et là, t'as des références à blinder, quoi. À blinder, et puis pas d'histoire derrière, quoi. Je veux dire, ouais, c'est une course-poursuite, quoi. C'est ça. Toi, ce que tu voulais dire, c'est que Fanboy, c'était sympa, mais. Mais bon, faut aimer la comédie référentielle et blindée de clin d'œil à Star Wars, quoi. Voilà, moi je pense qu'en fait, j'ai pas assez de références pointues pour être accroché par exemple, accroché quand par tu film. Vois les caméos de Carrie Fisher, Billy Woody Williams, bah, de toute façon, tu vas me le dire tout de suite, ça t'a rien fait, quoi. Non, voilà, c'est pas comme moi, quoi. J'ai dit, oh tiens, c'est Carrie Fisher. Ouais, ouais, ouais. Shatner, par exemple. Bah ouais, Shatner, je l'avais vu arriver de loin. Ah ouais. Je savais que le problème, c'est que j'avais lu le truc des personnages avant de regarder le film. Ouais, alors, Wikipédia, forcément, ouais. Ouais. Je me suis dit, bon, bah on verra. Puis bah, voilà, quoi. C'est... Puis ça démarre dès les premiers plans, t'as le défilé. Et puis il dit à la fin, putain, où est-ce qu'ils volent le défilé ? Un jour, il y a les extraterrestres qui vont le dire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Moi, j'ai tout de suite accroché quand j'ai vu ça. J'ai dit, bon, bah on est. Ça commence bien, tu vois. C'est pas comme dans Ready Player 1. Je me suis dit, oh là là, ça commence mal. Bah, c'est bien. Après, parce qu'on a deux avis différents. Après, les intentions de Fanboys sont plus pures que celles de Ready Player 1. Ah enfin, oui, c'est moins commercial, c'est clair. Faut dire ce qu'il faut. Là, Fanboys, c'est. Bah, c'est pour faire plaisir aux fans, mais pas dans le sens on va vous l'enfoncer dans le crâne. C'est-à-dire, moi qui n'ai pas fan, bon, voilà, j'ai pas vu les subtilités. Tandis que Ready Player One, putain, c'est plein la gueule pour pas un rond. Et je suis content de l'entendre hier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié et qui sont censés déjà ce film comme culte, quoi. Moi, je comprends pas, quoi. On peut aimer Tron, par exemple, pour son côté culte, parce que ça a apporté quelque chose, mais Ready Player One. Pff. Bah, Ready Player One, c'est au niveau d'un Percy Jackson, il n'y a pas grand chose à amener, c'est tout. Non, quoi. Y a rien. Puis, de toute façon, comme tu dis, il n'y a pas de charisme non plus au niveau des personnages. Bon, après, il y a des contrastes qui sont bien, mais ça sauve pas le film. Tandis que là, Fanboys, moi, je l'ai trouvé quand même plus. Enfin, ça, je me suis ennuyé, mais je l'ai trouvé moins vicieux qu'un Ready Player One, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que tu comprends pas la référence de Fanboys, tu as juste une histoire un peu con, quoi. Tandis que tu comprends pas la référence de Ready Player One, t'as une histoire très con avec des montagnes de CGI qui te montent à la gueule pour juste te montrer on a lui. Il y a Spawn, il y a Batman, il y a Harley Quinn, y a, les trucs de Halo, ouais. Au secours, quoi. Et t'as le Godzilla versus le Gundam, t'as bien aimé cette scène-là ? Il y a un moment, on se dit, c'est un peu plein. Hein. Bah t'inquiète, on va coller un Godzilla et un Gundam. Ah ouais, ok, vas-y. On fait une grosse bataille de fin là, avec le château de Vador. Voilà quoi, pourquoi on a parlé de Ready Player One ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même auteur. Donc là, il a été un peu plus, je vais dire, fin, entre guillemets quand même. Ses intentions étaient plus pures, je trouve, dans ce film. C'était vraiment pour faire plaisir aux fans. Donc comme je suis pas le fan concerné... Forcément, je suis passé à côté. Ouais. Tandis que dans Ready Player One, c'était pour faire du cash. C'est ça. Voici les lieux les plus sécurisés qui soient sur la planète Terre. La Maison Blanche. Le Pentagone. Le Kremlin. Et le Skywalker Ranch de George Lucas. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.